c'est un murmure que j'entends à l'intérieur de moi. Chaque fois que j'écoute mon cœur, comme le chant d'une brise. D'ailleurs, je suis né dans ce vent, accroché à toi par le cœur. Je veux suivre les pas de l'ange et sa beauté. Oh, j'aime ma liberté plus que tout. Mais vivre en t'aimant passionnément, cela devient un si joyeux tourment. Dans ce divin idylle où la matière s'élève au rang d'une princesse joyée, par la lumière en ses premiers rayons de mer, des chants d'amour résonnent dans la chambre haute. Ses plus belles vertus sont exaltées par sa patience infinie, et tournoyant nos rêves, nos saisons et nos fièvres, 8000 boutons de rose à notre réveil. Échauffés par le feu des saisons changeantes, au théâtre des étoiles, tu es ma star préférée.